France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. 20 octobre 1930 à Broadway. Les frères George et Ira Gershwin ouvrent leur 8e comédie musicale commune en 7 années. Après Lady Be Good, créée en 1924, après Tell Me More, Tiptoes, OK, Strike Up the Band, Funny Face, Three the Girls, sans compter durant cette même période la création de la Rhapsody in Blue, du poème symphonique Un Américain à Paris et du concerto en fa. Voici une comédie musicale où les deux frères font feu de tout bois et qu'a remis au goût du jour, cet automne, la cantatrice, arrangeuse, chef d'orchestre Barbara Hannigan, à qui France Musique avait consacré toute une journée en septembre. Girl Crazy et son nombre incroyable de futurs standards. Et ce matin, sur la grande affiche de la 42e rue, le rendez-vous des amoureux de comédie musicale, chaque dimanche matin sur France Musique. Bonjour à tous. Play could guarantee. got rhythm, I got music, I got my gal who could ask for anything more. I got Daisy in green pastures, I got my gal who could ask for anything more. Old man Trouble, I don't mind him, you won't find him hanging round my front or back door. I got Starlight, I got sweet dreams, I got my gal who could ask for anything more, who could ask for anything more. Des surprises pour les spectateurs à n'en plus finir lorsqu'ils assistent en 1930 à la première de cette comédie musicale des Gershwin, Girl Crazy. Parce que dans la fosse d'orchestre, anonyme, parmi la formation très jazz composée de trois trompettes, trois trombones, deux saxos, un flûtiste, un hautbois, une contrebasse, des cordes, un piano, il y a des musiciens qui s'amusent et offrent à l'entracte une jam fabuleuse. Parmi eux, anonymes donc, eh bien, par exemple, Benny Goodman, Glenn Miller ou le trompettiste Red Nichols, dont on vient d'entendre un enregistrement d'époque, une formation qu'avait choisi George Gershwin, avec laquelle il avait également créé sa précédente comédie musicale Strike Up the Band. George Gershwin avait le rythme dans la peau et sa musique si américaine se reconnaît justement à ce rythme endiablé, syncopé, qui tranchait avec le son des opérettes de l'époque et emprunté au jazz qu'il aimait profondément. Cette chanson, I Got Rhythm, c'est un peu le pendant d'une précédente créée 7 ans plus tôt dans Lady Be Good, Fascinating Rhythm, qui avait un peu introduit le public de Broadway au rythme syncopé. Et bien la voici, au piano, interprétée par George Gershwin, puis ensuite interprétée par celle qui est devenue une star du jour au lendemain, en créant ce rôle sur scène à Broadway en 1930. Mais d'abord, George Gershwin à la radio en 1934 dans son émission. Music by Gershwin. But right now, I want to play for you a composition of mine that brings up the pleasantest memories. It's I Got Rhythm from a show called Girl Crazy. Maybe you saw it a few seasons ago. Again, I had the pleasure of working with my brother Ira, who supplied the lyrics. Anyway, let's try it. Thank you. chipper all the day. Happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got my man. Who could ask for anything more? I got daisies in green pastures, I got my man. Who could ask for anything more? An old man trouble, say I don't mind him, 'cause you won't find him round my door. I got starlight and I got sweet dreams, I got my man. Who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Le spectacle Girl Crazy des Gershwin lance la carrière d'une artiste au souffle hors du commun. Les producteurs l'ont découvert sur la scène du Brooklyn Paramount. Ils étaient impressionnés par le fait que sa voix portait à l'autre bout du théâtre jusqu'au poulailler, une époque où il n'y avait pas de micro. Ils lui proposent une audition auprès de George Gershwin et durant la presque totalité du premier acte sur scène de Girl Crazy, elle joue... Elle fait rire, personne en fait ne s'attend à ce qu'elle ouvre la bouche, mais vous l'entendez, lorsqu'elle ouvre la bouche, eh bien les spectateurs sont quasiment soufflés. Elle tient, paraît-il, la même note le soir, même dans I Got Rhythm, durant 16 mesures. Et S.L. Merman, c'est son nom, embrase la salle en une seule soirée. Ce qu'on a entendu, c'était donc elle qui a créé cette chanson sur scène des Gershwin, I Got Rhythm, un enregistrement de 1947 avec un orchestre dirigé par Jay Blackton. Girl Crazy est sur la grande affiche de la 42e rue sur France Musique. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec le mot-clé 42 rue ou sur la page de Facebook de 42e rue. Alors, cette comédie musicale est une rampe de lancement pour S.L. Merman, mais aussi pour une jeune actrice de 19 ans qui vient juste de signer un contrat de 7 ans avec la Paramount. Mais comme les tournages ont lieu sur la côte Est, dans le quartier de New York qui s'appelle Astoria, eh bien rien ne l'empêche le soir d'aller incarner le rôle féminin principal de cette histoire. Elle s'appelle Ginger Rogers. Elle va incarner une jeune postière dans une ville isolée du Far West, rare femme dans un monde d'hommes, qui se fait compter fleurette par un New-Yorkais puni par son père et envoyé à la campagne. Au départ, cette postière le rejette et puis elle accepte au cours d'une chanson qui est devenue un standard pleine de ces harmonies si typiques de chez Gershwin, une chanson qu'elle interprète et qui devient une danse et qui, figurez-vous, pour lui apprendre à danser à l'époque, en 1930, à Broadway, eh bien Fred Astaire, qui quelques années plus tard constituera avec elle un couple formidable à Hollywood. Une chanson donc qui s'intitule « Embraceable Me ». Il n'y a pas d'enregistrement d'époque, alors je vous ai choisi Dinah Washington. Embrace me, my sweet embrace, for you. Come take me, you irreplaceable. about you. Tell me you Et si on transformait la vieille ferme d'un petit village assez désert du centre de l'Arizona, à l'ouest des États-Unis, un lieu plutôt aride, en un saloon à la Lucky Luke avec ce qu'il faut de tables de jeu et de danseuses légères. Et si, comme dans cette chanson, des cow-boys venaient danser sur le comptoir. Les magnifiques arrangements très jazzy de Robert Russell Bennett dès 1930, reconstitués dans le tout premier enregistrement à l'identique de la production originale de Girl Crazy par Tommy Krasker. C'est un enregistrement paru chez Nonesuch sous la direction musicale de John Mosseri. Et ce morceau s'intitulait Bronco Busters. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Et si on transformait la vieille ferme d'un petit village assez désert du centre de l'Arizona en un saloon, c'est le thème de cette comédie musicale légère que crée les Gershwin en 1930. Une comédie musicale, je dois le dire, un petit peu sans queue ni tête, mais pour lesquelles les Gershwin composent tube sur tube. Le livret absurde est écrit par Guy Bolton et John McGowan. Alors on est en pleine dépression en 1930 et Girl Crazy est vraiment une bulle de légèreté. Une farce, on se moque de cette mode, à l'époque on les New-Yorkais de partir quelque temps à la campagne, dans l'Ouest, justement pour vivre à l'air pur, en s'habillant en cow-boy, en indien. Et donc le héros de cette histoire sera le fils d'une bonne famille, mais puni par son père et envoyé au Far West pour se ressaisir, et qui pour cela arrive à bord d'un taxi dont la course indique au compteur quand même plusieurs centaines de dollars. Donc, il n'y a pas que du bon jazz dans Girl Crazy, il n'y a pas que de belles harmonies dans la partition, parce que George Gershwin, comme il le fera ensuite pour Porgy and Bess, s'amuse aussi à s'inspirer de la musique locale, en l'occurrence la musique de l'Ouest américain, et là il copie pour installer l'ambiance les quatuors de Barbier, une chanson intitulée Biding My Time, comme à l'époque, en 1931, un enregistrement interprété par les Four Thumbs. Some fellas love to tiptoe through the tulips. Some fellas go on singing in the rain. Some fellas keep on painting skies with sunshine. Some fellas keep on a-swinging down the lane. But I'm biding my time, 'cause that's the kind of guy I'm. While other folks grow dizzy, I keep busy biding my time. Next year, something's bound to happen. This year, I'll just keep on napping and biding my time, 'cause that's the kind of guy I'm. There's no regretting when I'm setting biding my time. I'm biding my time, 'cause that's the kind of guy I'm. Beginning on a Monday, right through Sunday, biding my time. Next year. Thank you. Vous l'avez entendu, on n'est aussi pas très loin du Mexique dans cette histoire racontée par Girl Crazy. Alors George Gershwin s'inspire aussi de ses tonalités, de ses sombreros. Dans sa musique, c'était Land of the Gay Caballero, lorsque l'action de Girl Crazy se déplace furtivement de l'autre côté de la frontière. Dans Girl Crazy, ce qui impressionne aussi, ce sont les grands numéros montés par le jeune New-Yorkais dans son nouveau saloon. À spectacle, il y a des danseuses qui lèvent la jambe, qui viennent de New York, et puis le tripot attire aussi des parieurs. Comme un dénommé Slick, venu de San Francisco, avec sa femme. Mais elle vient de surprendre son mari avec une autre femme. Alors à elle, un numéro incandescent, où Gershwin s'inspire d'une chanson country traditionnelle américaine qui s'intitulait Frankie et Johnny. Mais là, elle devient cette chanson sous la plume de George Gershwin, Sam et Delilah. C'est un air qui pulse, qui a été créé par cette femme à forte poitrine, pour la voix aussi. Et c'est Norman. Tracked him and she hacked him and she dug for Sam.

un des numéros créés par le personnage de Danny, le New-Yorkais, dans son nouveau saloon pour attirer la clientèle. Un numéro évidemment composé par George Gershwin, Barbary Coast, interprété ici par Vicki Lewis, sous la direction musicale de John Mossery, avec l'orchestre original, avec l'orchestration originale en 1930 de Robert Russell Bennett. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Et une 42e rue sous le signe, vous l'avez compris, de George Gershwin ce matin avec cette comédie musicale Girl Crazy qui raconte donc l'amourette entre Danny, venu de la ville, et une postière, rôle créé par Ginger Rogers en 1930 et Alan Kearns. Mais ces deux acteurs, en fait, ne sont pas les vedettes du spectacle à sa création. Girl Crazy est d'abord imaginé pour Bert Lahr, que vous connaissez certainement pour le rôle du lion lâche du film Magicien d'Oz. Lui, comédien à succès, devait incarner le chauffeur de taxi de New York, qui amène Danny dans le Far West et se prend au jeu du Far West en se faisant élire shérif à ses risques et périls. C'était un rôle où le personnage pouvait donner cours à ses imitations, à son talent comique. Il devait se déguiser en indien, par exemple, pour échapper au shérif qu'il avait battu aux élections, et consoler l'héroïne de ses affaires de cœur en imitant Maurice Chevalier ou une vedette de Broadway comme Al Johnson. Alors, il n'y a pas d'enregistrement de l'époque, mais cette chanson a été reconstitué, encore une fois, sous la direction de John Mossery. Molly, you're making things a lot worse than they really are. No, I'm not, Keeper. No. I'm terribly in love with Danny, and he doesn't seem to care. Yeah, but that's just it. Patsy thinks she's in love with me. Do I let it bother me? Patsy's a sweet little girl. Ah, but she's only fooling with me. Now, who could love a face like this? I ask you. Then we're both in the same boat, I suppose. Well, you got a face like me? They're writing songs of love, but not for me. A lucky star's above, but not for me. With love to lead the way, I found more skies of gray than any Russian. Molly, cheer up, will you? Bet you'd feel better if I sang like Maurice Chevalier. They're writing songs of love, but not for moi. A lucky star is above, but not for moi. What about Al Jolson? With love to lead my way, I found more skies of gray than any Russian play. Good guarantee, my little mammy. What about Jimmy Durante? I was a fool to fall and get that leg. Hey. I hope, alas, and hope so back to date. Eddie Cantor. Although I can dismiss all memory of others. What about all of them? I guess she's not. No, I guess she's not. I hate the thought of it. I gotta tell you, not for me. If you know Susie like I know Susie, oh. I fetch his slippers, fill up the pipe he smokes. I cook his kippers, laugh at his oldest jokes. Yet here I anchor, I might have had a banker. For what love has done to me. My life he's wrecking, bet you could find him now. Out somewhere necking somebody else's frown. You get to know life when married to a lowlife. Boy, what love has done to me. When a boy looks my way, does he get emphatic? No, he gets dramatic. I just wanna fly away. But if I left him, I'd be all at sea. I'm just a slavey. Life is a funny thing. He's got the gravy, I got a wedding ring. But still I love him, there's nobody above him. Boy, what love has done to me. I can't hold my head up. The butcher, the baker, all know he's a faker. Brother, am I fed up? But if I left him, I'd be all at sea. I'm just a slavey. Life is a funny thing. He's got the gravy, I got a wedding ring. But I have grown so, I love the dirty so-and-so. Boy, what love has done to me. Un petit bijou que ce Boy What Love Has Done To Me, un autre titre mélancolique très gershwinien dans ses harmonies ici interprétées par Nancy Walker, une chanson de femme désespérée par la tyrannie de l'amour, un enregistrement en 1952 dans un album chez un petit label qui rendait hommage aux chansons écrites pour les paroles par Ira Gershwin et une chanson extraite donc de cette comédie musicale de George Gershwin en 1930. Girl Crazy. Une comédie musicale qui à l'époque connaît un succès on va dire relatif, il tient moins d'un an à l'affiche, mais étant donné la dépression de 1929 qui avait vidé les théâtres, ce n'était pas si mal, avec donc nombre de chansons qui sont devenues des standards de jazz, et un spectacle qui sera adapté plusieurs fois au cinéma. L'adaptation la plus connue date de 1943, c'était le second film avec le duo formé par Judy Garland, avant le magicien d'Oz, et Mickey Rooney. Petit extrait, un duo avec les arrangements musicaux de Conrad Salinger et les merveilleux arrangements vocaux de Hugh Martin et Ralph Blaine. Have some pity on an Easterner. Show a little sympathy. No one possibly could be sterner than you have been with me. Oh, there's a job that I'm applying for. Let me put it to you thus. It's a partnership I'm dying for, Mr. and Mrs. Us. Now before you file it on the shelf, let me tell you of myself. Oh, I'm the chappie to make you happy. I'll tie your shoesies and chase your bluesies. Oh, lady, would you? Oh, lady, could you use me? Now I'd shake the mat out and put the cat out. I'd clean the garret and feed the parrot. Oh, lady, would you? Oh, tell me, could you use me? Do you realize what a good man you're getting in me? I'm no Elk or Mason or Woodman who gets home at three. The girls who see me grow soft and dreamy, but I'm a gander who won't philander. Oh, could you use me? 'Cause I certainly could use you. There's a chap I know in Mexico who's as strong as he can be. Eating nails and drinking Texaco, he is the type for me. There is one in California, more romantic far than you. When he sings Hot Cha Cha Chonia, I often think he'll do. But as for you, sir, I'm afraid You will never make the grade, for you're no cowboy, you're soft and how boy, I feel no muscle that's fit for tussle. I must refuse you, I cannot use you, excuse me. No nightlife for you, the birds would bore you, the cows won't know you, a horse would throw you, you silly man, you, to ask me, can you use me? Though at love you may be a wizard, I'm wanting to know, could you warm me up in a blizzard, say 40 below? Your ties are freakish, your knees are weakish, you're not a sender, you elbow bender, though you can use me, I most certainly can't use you. Sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr, vous retrouverez la programmation musicale de cette émission, les différentes adaptations du spectacle et puis quelques vidéos, dont bien la vidéo de cette chanson dans le film Girl Crazy de 1943 avec Judy Garland, et même une vidéo où Estelle Merman vous apprend à chanter, enfin à gueuler I Got Rhythm. Rendez-vous donc sur francemusique.fr, la page 42e rue, et si vous aimez Gershwin, ne ratez pas Musicopolis d'Anne-Charlotte Trémont. Ça sera dans la semaine du 25 décembre. Chaque jour, sur France Musique, à 13h30, elle racontera bien la création par George Gershwin de Porgy and Bess. La page actualité des comédies musicales est foisonnante cette semaine parce que les fêtes de Noël arrivent et les comédies musicales fleurissent de partout. Alors quelques bons conseils pour vous en DVD. D'abord la réédition chez Rimini Film de Blue Sky, en français La Mélodie du Bonheur, à ne pas confondre avec le film de Robert Wise. C'est un film avec Bing Crosby et Fred Astaire sur des chansons de Irving Berlin. Deux beaux livres aussi que je vous conseille. L'histoire de Starmania, racontée par François Alquier, c'est paru chez Or Collection. C'est à l'occasion du 40e anniversaire de cet opéra rock. Et puis un beau livre, richement illustré, tout simplement intitulé La Comédie Musicale. En fait, c'est l'histoire de la comédie musicale au cinéma. C'est écrit par Christophe Chanclot. C'est aux éditions Courrier du Livre. C'est agrémenté d'interviews avec Leslie Caron, notamment, et également d'un DVD du formidable film Mariage Royal de Stanley Donen. En spectacle, ça se bouscule. Ne ratez pas la nouvelle production des Brigands, Un soir de réveillon, une opérette swing des années 30 signée Raoul Moretti. C'est le mardi à la Nouvelle Ève à Paris. Ne ratez pas le retour du cabaret loufoque de la chorégraphe et metteuse en scène Caroline Rolands. Ça s'intitule Youpi. C'est aussi à la Nouvelle Ève, mais c'est le lundi. Un concert Léonard Bernstein on Broadway par l'Orchestre National de Lille à partir du 14 décembre au Nouveau Siècle et en tournée dans la région Nord. Jeudi 21 décembre, le grand concert Broadway symphonique d'Isabelle Georges au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Faisal Kerwi, avec aussi Gilles Barikowski, Guillaume No, David Grébil, Jérôme Sarfati, tout ça donc c'est au TCE. Enfin, à l'Auditorium de Radio France, j'aurai le plaisir de vous présenter avec Saskia Deville un concert spécial Broadway, ça s'intitule Noël à Broadway, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mico Franck, avec la maîtrise, le chœur de Radio France, des pointures de solistes, Deborah Myers, Cassidy Johnson, Damien Humbley et le baryton Nathan Gunn, qui fut, par exemple, de l'anniversaire de Stephen Sondheim il y a quelques années au Lincoln Center avec le New York Philharmonic Orchestra. Il interprétait en duo avec Audra McDonald cet air de Follies. Many mornings, waking and pretending I reach for you. Thousands of mornings, dreaming of my girl. All that time wasted, merely passing through. Time I could have spent so content, wasting time with you. through many mornings, wishing that the room might be filled with you. Morning to morning, turning into days, all the days that I thought would never end, all the nights with another day to spend, all the times I look up to see Sally standing at the door, Sally moving to the bed, Sally resting in my arms with her head against my hand. If you don't kiss me, Ben, I think I'm gonna die. How I planned what I'd wear tonight, and when should I get here? How should I find you? Where I'd stand, what I'd say in case you didn't remember, how I'd remind you. And my fears were gone. Was it ever real? Did I ever love you this much? Did we ever feel so happy then? It was always real. I should have worn green. And I've always loved you. I wore green the last time. We can always feel the time I was happy. Too many mornings wasted in pretending I reach for you. How many mornings are there still to come? How much time can we hope that there will be? Not much time, but it's time enough for me. Noël à Broadway par l'Orchestre Philharmonique, le Chœur, la Maîtrise de Radio France avec notamment Nathan Gunn. Deux concerts vendredi 22 et samedi 23 au Grand Auditorium de Radio France. Il reste des places, vous pouvez réserver sur maisondelaradio.fr à voir et à écouter en direct aussi sur France Musique et sur francemusique.fr le 22 décembre. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau cabaret 42e rue avec la troupe de Wonderful Tone de Leonard Bernstein, bientôt à l'affiche à Toulon, avec Dan Burton, le héros actuel de Chantons sous la pluie au Grand Palais, et avec le Spirit of Chicago Orchestra en direct dimanche prochain au Studio 105. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, préparée par Martine Moni, avec ce matin Stéphane Poitevin, à la cabine Antoine Giraud et à la réalisation Perrine Mingui. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.